Bonjour, ici Samuel Lauzon et Valérie Levé. Vous écoutez CKRL 89.1. C'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. En deuxième partie, Valérie recevra l'astronome canadien Jean-René Roy. La dernière fois que M. Roy était venu à notre micro, c'était pour parler des observations du télescope James Webb dans les confins de l'univers. Cette fois-ci, il sera question de notre système solaire. Mais pour l'instant, nous nous penchons sur un thème bien de saison. Alors que les érables coulent à flot et que le temps des sucres bat son plein, il est intéressant de prendre un moment pour faire le point sur l'état de santé actuel de nos érablières. Pour ce faire, j'ai avec moi l'invité tout désigné, Rock Ouimet. Monsieur Ouimet est chercheur émérite récemment retraité à la direction de la recherche forestière du ministère des Ressources naturelles et des forêts. Il a travaillé pendant plus de 35 ans dans cette organisation. Spécialiste en pédologie forestière, il a été responsable du réseau d'études et de surveillance des écosystèmes forestiers au Québec. Durant sa carrière, il s'est particulièrement intéressé à l'évaluation de la santé des forêts ainsi qu'à la réaction des sols forestiers face aux divers facteurs tels que l'exploitation forestière, la récolte de biomasse résiduelle, les changements climatiques ainsi que les polluants atmosphériques. Bonjour Rock. Bonjour Samuel. Bon, pour débuter, j'avais envie de vous poser une question là, toute simple, mais peut-être pas si facile que ça à répondre. Comment vont nos érablières au Québec, là? Comment décririez-vous l'état actuel de nos érablières? Globalement, on pourrait dire que les érablières au Québec vont de mieux en mieux. Une des raisons pour que je dis ça, c'est en raison là, de la disparition des précipitations acides. Alors, grâce au traité canado-américain sur les précipitations acides qui a débuté dans les années 90, on a réussi à éliminer les pluies acides, fait que les sols ne sont plus soumis là, aux pluies acides. Alors, les érablières commencent même à avoir des signes là, d'amélioration des sols en raison de ça. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Cependant, on est tous conscients là, qu'il y a plusieurs perturbations là, qui continuent d'affecter nos érablières. Hein. Les sols ont été affectés par les pluies acides dans le passé, ça reste. Et puis bon, il y a les changements climatiques, il y a l'intensification de la production acéricole, tout ça. Alors, ça met un peu un bémol là, sur la situation. Il faut rester prudent là, quand on parle d'amélioration. OK, puis justement, c'est quoi ces menaces-là concrètes-là qui... T'sais, si on y va dans le détail un peu plus, là, c'est quoi qui est préoccupant pour ces écosystèmes-là là, particuliers? En raison des changements climatiques, hein, les insectes vont avoir tendance à s'épandre plus en avant là, dans notre belle province. Par exemple, la livrée des forêts qui est souvent confinée dans la région de l'Outaouais, l'Abitibi et puis le nord de Montréal. Maintenant, même, il y en a depuis 2 ans maintenant dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, oui, c'est tout nouveau, là. Ça s'était jamais vu avant, là. Ça, c'est un genre de papillon, c'est une chenille Oui, c'est une chenille qui mange le feuillage de l'érable à sucre et puis des peupliers. Alors, ça peut défolier là, des érablières là, sur 2-3 ans, là, pendant 2-3 ans, mais ça cause à ce moment-là de la mortalité importante. OK, d'accord. Il y a d'autres facteurs comme le verglas qui va survenir de plus en plus souvent. Là, on a connu le fameux épisode de l'hiver 98 dans Montérégie. Les épisodes de verglas, on va en avoir de plus en plus avec le réchauffement climatique. Là, on vient de voir l'hiver qu'on a eu, là, qui n'est vraiment pas un vrai hiver. Là, Oui, fait oui. que, Puis justement, le verglas, je me demandais, là, on voit ça, je me souviens des images qu'on voyait, là, les arbres, là, ça devient comme juste des poteaux de téléphone quasiment. Est-ce que les arbres, les érables, là, ils ont la capacité de se remettre de ça ou c'est vraiment comme un épisode de verglas, on pourrait dire que l'érablière est terminée, là, et finie? on est chanceux, hein? Les espèces d'érables sont très, très résilientes au verglas. Alors, quand même qu'ils se font débrancher comme ça là, par le verglas, ils ont une grande capacité de régénération de la cime. Fait que ça, c'est quand même positif là, pour l'érable à sucre. OK, c'est fait tough, comme on dit. Nos érables sont des durs à cuire. Puis, Oui, est-ce qu'il y a autre chose? Je me demandais, là, bon, vous avez parlé des pluies acides. Est-ce qu'il y a d'autres menaces comme ça, plus dans, si vous avez travaillé beaucoup sur les polluants atmosphériques, est-ce qu'il y a autre chose comme ça? Ben, les sols se sont acidifiés hein, depuis le milieu des années 1950 jusqu'au début des années 2000. Alors, les sols au Québec ont reçu là, beaucoup de pluies acides qui venaient en majorité là, du Midwest américain. Et puis, bon, ben, ça a acidifié nos sols. Et puis, il y a des sols qui sont rendus acides au point tel que l'érable à sucre était plus capable de se régénérer dans ces sols-là. Alors, c'était envahi par d'autres essences à ce moment-là, comme on pense à l'hêtre à grandes feuilles, même des fougères là, qui envahissent le sous-bois. Alors, bon, disons, ça cause des problèmes là, de sylviculture là, pour maintenir l'érablière. Vous avez évoqué plusieurs menaces, là. Bon, certaines d'origine naturelle, certaines comme les changements climatiques, indirectement liés à l'activité humaine. Mais est-ce qu'on sait vraiment si l'activité humaine a un effet direct sur la santé des érables, là? C'est une question un peu bête, là, mais je me suis toujours demandé, est-ce que ben faire du sirop, ça nuit aux érables, tu sais? Alors ça, c'est une grande question hein, qui est encore pas vraiment résolue. Alors, on sait que, par exemple, le prélèvement de sirop, en moyenne, là, ça prélève environ 6% de ce qu'un arbre peut accumuler en termes de carbone là, durant une année. Le prélèvement de sève au printemps, ça prélève environ 6% du carbone là, qui était accumulé l'année d'avant. Alors, c'est pas beaucoup, vous allez me dire, mais ça survient durant une période où l'arbre est en réveil, hein, il brise sa dormance à ce moment-là, il est en réveil, et puis la première chose qu'il a besoin de faire, c'est de construire son appareil photosynthétique, ses feuilles, pour pouvoir commencer à produire du sucre. Et des sucres et puis des protéines. Et puis à ce moment-là, ben, ces deux événements-là, le prélèvement de sève et la production de feuilles survient là, un tout de suite après l'autre. Fait, est-ce que, surtout aujourd'hui, avec l'augmentation là, les nouvelles technologies là, qui permettent de prélever de plus en plus de sève des arbres, hein, on pense par exemple l'entaillage sous vide, là, ça prélève là, par rapport à la chaudière, ça prélève au moins 2 fois plus de sève. Là. Et puis, même ça, c'est à 15 pouces de mercure de vacuum dans le tube. Mais maintenant, là, avec les nouvelles pompes à vide, on est capable de monter à 25 pouces et plus. Donc, c'est 10 fois plus de pression là, de vide dans les. Et faut penser qu'à chaque pouce de mercure de vacuum qu'on ajoute dans les tubes, ça l'augmente de 5 à 8 % le prélèvement de sève. Par exemple, un érablière qui faisait 3 livres à l'entaille, aujourd'hui en fait 5 livres à l'entaille. On ne sait pas c'est quoi l'impact à long terme là, De sur ça, les OK. arbres. Mais là, juste pour être certain, vous parlez de mercure, c'est ça? C'est une dimension, dans le fond, c'est une mesure de taille de... C'est une mesure de vacuum, hein, on pourrait parler OK. de kilopascal là, OK, OK. dans le système international, mais disons dans le système américain, dans lequel on vit beaucoup, on parle de pouces de mercure, un peu comme OK. un thermomètre finalement, là. Ah, ok. Mais Okay. il y a pas de mercure là. C'est vraiment comme Non, une non, il n'y a taille pas de là. mercure. Est-ce qu'il y a une taille, un diamètre pour les arbres? Est-ce qu'on peut entailler n'importe quel arbre ou tu sais, il y a des tailles qu'on devrait favoriser? J'imagine les plus gros arbres sont peut-être moins à risque. On sait que pour disons présentement, les gens entaillent surtout les arbres de 20 cm et plus, 8 pouces et plus. On s'est aperçu que les arbres qui ont moins de 9 pouces, c'est-à-dire moins de 25 cm, là, on observe vraiment, c'est généralisé là, avec l'entaillage sous vide maintenant, une baisse de croissance. Alors, ces arbres-là ont de la difficulté à récupérer là, de l'entaillage. Alors, le gouvernement, d'ailleurs, a changé les normes sur les terres publiques. À partir de cette année, les nouvelles érablières, la norme d'entaillage va être de 24 centimètres, là, plutôt que 20 centimètres, là, pour entailler les arbres, afin de protéger la ressource. Est-ce que c'est des mesures qui sont quand même assez bien accueillies? Est-ce que ça Ben, les... donc, ça soulève quand même, hein, des gros changements, hein. C'est quand même une étape d'entaille importante, mais il faut penser à la durabilité de la ressource. Les acériculteurs investissent des centaines de milliers de dollars là, dans leur cabane à sucre, là. C'est rendu maintenant là, une vraie industrie. Mais disons, faut penser aussi à la matière première, c'est-à-dire les arbres, et puis il faut quand même les protéger là, afin de maintenir cette industrie. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, vous parliez des chaudières versus maintenant les qu'on tire avec de la tubulure de plus en plus. Quand on rentre dans un érablière maintenant, là, ça ressemble plus à un laboratoire quasiment de chimie là, Ah, tout à fait, ils concentrent la sève, hein, maintenant, là, ils n'ont plus besoin de la bouillir là, autant, là, parce qu'ils concentrent avec des osmoses inversées. Alors, il y a des acériculteurs qui concentrent la sève, disons, ils passent de 2% de sucre à 15% de sucre, mais il y en a qui montent jusqu'à 20, 35% de sucre. Alors, tu peux t'imaginer que, Samuel, que ça, la diminution là, du temps de bouillage là, pour faire du sirop, là, ça a complètement changé l'industrie. Avant, ça prenait plusieurs dizaines de personnes faire fonctionner une érablière. Puis maintenant, ben, à un ou deux, trois personnes, Ah oui. tu es capable de faire fonctionner une érablière de 10 000 en taille. La technologie est plus en avance que ce qu'on connaît de l'érablière. Que la petite image qu'on a sur la canne là, de sirop, là, où c'est que c'est quelqu'un avec un cheval qui ramasse le. Ben là, on a vu bon, beaucoup de problèmes, je dirais, de choses qui menacent nos érablières. Est-ce que, bon, tout à l'heure que ça allait bien quand même, la diminution des pluies acides, est-ce que y a d'autres solutions envisageables pour favoriser une plus grande résilience de nos écosystèmes, là, les érablières? Pourriez-vous me parler un peu des pratiques de gestion durable pour arriver à, c'est ça, à une meilleure résilience de nos forêts? Ah oui, bien sûr. Il faut d'abord, hein, aménager la forêt, là, essayer de maintenir une structure inécoyenne dans le peuplement. C'est quoi ça, une structure inécoyenne? C'est que c'est un peu comme la population humaine, hein, ça prend beaucoup d'enfants pour faire des adultes. Hein, il y a toujours de la mortalité qui survient là, au cours de la vie. Et puis, fait que ça prend beaucoup de jeunes pour faire des petits arbres, pour faire des gros arbres. Alors, une structure inécoyenne, c'est un peu ça. C'est que ça, il faut maintenir beaucoup de jeunes pour s'assurer d'avoir des adultes, des arbres, des adultes dans le futur. Alors, ça, c'est important dans une érablière pour maintenir, disons, son nombre d'entailles, parce qu'il y a quand même de la mortalité qui survient chaque année, là. En général, dans les érablières, on observe à environ 1%, c'est-à-dire sur 100 arbres, là, il y en a un qui meurt à chaque année. Fait qu'il faut le si on veut le renouveler, cet arbre-là, ça prend des jeunes en arrière, là. Autre chose qu'on peut faire, c'est de s'assurer d'avoir un bon sol, s'assurer que notre sol est adéquat là, pour maintenir la vigueur des érables à sucre. Et puis ça, ben, on a maintenant, là, avec les recherches qu'on a fait, entre autres à la direction de la recherche forestière, on a des normes de sol pour les érablières, ce qui fait qu'on a juste à prendre une analyse de sol, puis on sait tout de suite si notre érablière a besoin, par exemple, d'être chaulée, si elle est trop acide, si elle a besoin de chaux, et puis tout ça. Et puis, les plus vieilles expériences qu'on a de chaux qui datent maintenant de plus de 25 ans, ça montre que ça a un effet là, à très, très long terme. Là. Même après 25 ans, on observe encore des effets positifs là, du chaulage sur une fois qu'on a chaulé. C'est bon pour au moins 25 ans. Là. Alors, moi, je Donc c'est pense un que traitement pour un traitement. un traitement pour le long terme, là, même plus que 25 ans, moi, ça a tellement changé le sol que moi, je pense que c'est bon pour la vie de la sériculteur. C'est vraiment intéressant. Puis plutôt vous parliez, bon, l'envahissement par le hêtre, par les fougères. Est-ce qu'on a des solutions contre ces menaces-là, ces problèmes-là, moi? En fait, ces espèces-là, ils s'installent pas parce qu'ils sont plus compétitifs que l'érable à sucre, c'est que l'érable à sucre n'est plus capable de s'installer, là, de se régénérer dans ces sols-là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que, hein, il faut s'occuper Faut voir premièrement si le sol, c'est vraiment le sol le problème. En général, c'est le cas, là, parce que le hêtre, lui, et les fougères sont capables de tolérer des sols acides OK. et pas l'érable. Alors, à ce moment-là, il faut s'occuper, là, d'améliorer le sol pour permettre à l'érable de se régénérer. Puis à ce moment-là, bon, on règle ces problèmes-là d'envahissement d'essence, là, indésirable. OK, puis ça, le chaulage, est-ce que ça a des effets négatifs? Je veux dire, bon, c'est comme une espèce de poudre, je pense, qu'on envoie. Est-ce que ça a un effet sur la flore? En fait, la chaux, là, c'est simplement du calcaire broyé. C'est un produit, là, qui est naturel. OK. Et puis, bon, l'impact que ça peut avoir, on s'est inquiété de ça, là, entre autres sur la biodiversité des érablières. On étudie, entre autres, la salamandre, les salamandres. Hein, c'est une OK. petite bestiole, là, qui vit dans nos érablières, qui est assez abondante. C'est sans doute l'espèce vivante, là, à part, qui n'est pas végétale, là, qui est la plus abondante, là, dans nos érablières. Bien plus OK, que le d'accord. chevreuil, puis. Ça, et puis, on a fait des expériences en chaulant des sols, des microcosmes, en fait. Hein, on a construit des microcosmes dans lesquels on a mis des salamandres et puis on l'a chaulé ou pas, là, ces microcosmes. Et puis, on s'est aperçu que les salamandres, ça ne les dérangeait pas, là, de recevoir de la chaux sur la tête. Là. Fait que, donc, c'est quand même positif. OK, bon, ça. L'effet négatif, un effet secondaire indésirable du chaulage, c'est que le fait qu'on aille améliorer le sol, ça devient un milieu propice pour l'envahissement d'espèces invasives qui ne sont pas présentes encore au Québec. On OK. pense entre autres à un ver asiatique là, qui est présentement là, dans les États de la Nouvelle-Angleterre, qui est importé de la Chine par les bateaux. Hein. C'est arrivé par bateau et puis bon, le ver s'est répandu. Et puis on le retrouve maintenant dans certaines érablières dans les États du Vermont, New Hampshire et New York. Et OK. puis même à la frontière du Québec, là, pas très Oui, loin. Fait que on ce avait ver-là. reçu monsieur Jean-David Moore à l'émission qui était venu nous parler un peu des vers et tout ça, là. Et puis ce ver-là, ben, a besoin d'un sol fertile, hein, un sol qui a un pH presque neutre là, pour survivre. Alors, la chaux, ben, ça cause ça. Fait que c'est dangereux, là. Moi, je ne conseille pas aux agriculteurs là, de transporter, par exemple, du terreau là, dans leur érablière, là, lorsqu'ils veulent planter, par exemple, des érables là, dans des secteurs qui ont pas, qui en manquent, ben, prendre plutôt des érables là, de leur OK. érablière pour faire ça et non pas aller l'acheter à pépinière parce que on ne sait pas d'où vient le terreau souvent. Ici, il vient des États-Unis. Il y a un exemple, par exemple, là, on a trouvé ce fameux ver asiatique-là à Saint-Jérôme l'année dernière. Alors, OK. Jean-David Mort, là, le chercheur avec lequel vous avez échangé la dernière fois, là, a trouvé ce ver-là à Saint-Jérôme. Fait que s'il veut pas, il se fait du transport là, de ces terreaux-là là, au Québec. Fait qu'il faut faire attention. OK, oui, on s'entend que c'est pas le ver qui est allé jusqu'à Saint-Jérôme, qui est monté jusqu'à Saint-Jérôme. Rapidement, je me demandais, bon, 35 ans à travailler à la direction de la recherche forestière, maintenant retraité, mais une multitude de projets sur lesquels, ben, comment vont nos connaissances sur les rabillards? Bon, vous avez parlé de plusieurs choses, mais est-ce que ça va bien? Ben, disons, si on recule d'une vingtaine d'années, moi, je dirais que les rabières, c'était comme une boîte noire. Hein. On s'en est vraiment jamais préoccupé parce que, bon, les acériculteurs, bon, entaillage, chaudière, et puis ça ne causait pas de problème. Mais maintenant, avec les nouvelles technologies, tout ça, les changements climatiques, tout ça, là, et puis les nouvelles connaissances qu'on a acquises avec l'épisode du dépérissement qu'on a connu dans les années 1980, je dirais plus que les rabières, c'est maintenant plus une boîte grise un peu. On commence à voir à peine des choses, mais il y a encore beaucoup de choses à chercher là, dans nos érablières, à comprendre, par D'accord. exemple, combien d'espèces compagnes on doit conserver, c'est quoi la proportion d'espèces compagnes on devrait conserver pour assurer une meilleure résilience des érablières. Est-ce que encore en termes d'entaillage, est-ce que c'est l'entaillage à eau ou vacuum, bon, c'est quoi l'impact à long terme là, sur les érables? Aussi, les acériculteurs ont tendance à rallonger la saison à produire. Lorsqu'ils produisent du sirop de bourgeon, ben maintenant, ils trouvent des marchés pour ça. Alors, ils rallongent leur saison des sucres. Puis ça, ben, On sait que la sève évolue hein, au cours de la saison de Mmh. récolte et puis à la fin de la saison, elle contient beaucoup d'acides aminés. Ces acides aminés-là, ben, c'est important pour les arbres, pour le OK. débourgement puis faire du feuillage. Alors, c'est quoi l'impact là, de faire du sirop de bourgeon là, et puis priver l'érable de ces acides aminés-là? Alors, ça Mmh. peut. Ça, c'est plein de questions comme ça qui restent encore à répondre. On vous réinvitera pour en discuter. J'ai aussi, là, j'ai entendu dire qu'il y en a qui entaillaient maintenant à l'automne. En tout cas, bref, on pourra en reparler. Ben, je vous remercie, Monsieur Ouimet, pour ce bilan là, de nos érablières. Je suis certain que nos auditeurs, là, quand ils regarderont leur canne de sirop d'érable pour se sucrer le bec, ben ils vont voir leur sirop d'un autre angle. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Je rappelle que notre invité était Monsieur Roch Ouimet, chercheur émérite récemment retraité de la direction de la recherche forestière du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Nous passons maintenant à une petite pause musicale et à notre retour, ma collègue Valérie Levé aura le plaisir de s'entretenir avec l'astronome canadien Jean-René Roy. C'est à la cabane à sucre, à la mode par chez nous. C'est à la cabane à sucre qu'on a fait un rendez-vous. Qu'on a fait un rendez-vous, qu'on a fait un rendez-vous. On a mangé de la trompette, à la mode par chez nous. On a mangé de la trompette, de la tirée du fricot. De la tirée du fricot, de la tirée du fricot. On a vidé des bouteilles à la mode par chez nous. On a vidé des bouteilles pour fêter le rendez-vous. Nous avons entré en danse à la mode par chez nous. Nous avons entré en danse sur la corde du piccolo. Sur la corde du piccolo, sur la corde du piccolo. Nous avons dansé si fort à la mode par chez nous. Nous avons dansé si fort que le corset des étançons. D'une drôle de façon, d'une drôle de façon. Toutes les femmes avec les hommes à la mode par chez nous. Toutes les femmes avec les hommes, les filles avec les garçons. Sont mis à dire à la mode par chez nous. Et les femmes sont mis à dire que les hommes sont pas galants, que les hommes sont pas galants, que les hommes sont pas galants. Et les filles sont mis à dire à la mode par chez nous. Et les filles sont mis à dire vive les mauvais garçons. Caravane, allons à la cabane, oh, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop cabane, allons à la cabane. Oh, et oh, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop. Pour goûter au sirop d'érable. La terre sous sa robe blanche, endormie pendant de longs mois. La sève monte dans les branches, un frisson réveille les bois. Dans les érablières sont allés tous nos gens. La joyeuse clairière retentit de leur chant. Voici qu'arrive le printemps. Caravane, allons à la cabane. Oh, eh, oh, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop. Pour goûter au sirop d'érable. Toute la famille est complète, chacun veut en avoir sa part. Voici Hermance et Guillaumette, et voici le gros Adélard. Bonjour tante Julie, comment vont les enfants? Très bien chère Amélie, nous sommes tous contents. Pour les sucres, quel joli temps! Caravane, allons à la cabane. Oh, eh, oh, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop. Pour goûter au sirop d'érable. Voici l'instant où l'on retire le chaudron bouillant du foyer. On va verser la blonde tire sur la neige au bout du sentier. Ensuite, au clair de lune, on s'en revient chez nous. Et j'en connais plus d'une qui choisit son époux le soir en revenant tout doux. Ah, caravane,